Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal. Une personne a été tuée et une autre blessée dans une attaque d'hier soir à Kamenge. Et les membres du comité mixte de sécurité en zone Kamenge sont dénoncés par les administratifs à la base et la police d'être des auteurs de l'insécurité dans cette zone. Vous entendrez dans ce journal la chef de série de Mirango 1 et le commissaire de police. Et le barrage de Kajeke qui a coûté 13 milliards pour sa construction sera démoli pour recommencer la construction à zéro ou réhabiliter parce qu'il a été mal construit. Le ministre de l'Agriculture nous en donnera des précisions dans ce journal. Et des groupes formés par les émissaires de la médiation continuent à remettre les réponses aux questions qui leur avaient été posées. Et dans ce journal, vous allez écouter les doléances des jeunes et celles des femmes de la coalition Amizero Barundi. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une personne a été tuée et une autre blessée hier soir à la 6e avenue du quartier Mirango en zone Kamenge de la commune urbaine Nonahangwa. Selon le porte-parole de la police Pierre Nkurikiye, Balaloufise Claude a été tué par des inconnus. Tumberaye Zunadine, qui a été blessée dans cette attaque, a été directement admise à l'hôpital. La police dit avoir commencé des enquêtes. Et certains membres des comités mixtes de sécurité en zone Kamenge sont pointés du doigt d'être à l'origine de l'insécurité grandissante dans cette zone. Cette affirmation est celle des administratifs à la base et des membres des corps de sécurité. Suivez le témoignage de la chef de série de Mirango 1. C'était lors d'une réunion de sécurité organisée ce vendredi par le maire de la ville Bujumbura en vue de remédier à la situation d'insécurité grandissante dans cette zone de la commune. Celui qui sera touché m'en excusera. Un policier te dit, les autres ont des véhicules ou des maisons à Charama ou à Gasekebouye. Est-ce que j'en ai moi? On lui donne de l'argent et les effets restent là. L'habitant, le chef de quartier, le chef de cellule, tu te retrouves victime du voisin, celui à qui tu l'as dit. Voyez-vous, ces membres des comités de sécurité choisis. En sécurité qui passe sa journée à boire Mudilingi, boisson prohibée. En sécurité qui boit Kanyanga, une autre boisson prohibée. Excusez-moi, c'est pas tous. Je le dis parce que là où j'habite, la question est connue. Alors, en sécurité qui frappe des gens et attrapé en flagrant délit, est-ce un genre de sécurité? C'est impossible. Prenez en main cette question parce que moi, j'ai été arrêté un jour. Quelqu'un a posé sa machette sur moi. Laissez-moi le dire parce que la personne qui l'a relâché est ici. J'avais constaté la faute. Je le lui ai dit et il a couru amener une machette. Excusez-moi, je témoigne. La personne est ici. Cela m'a affecté. Moi, chef de cellule, posait une machette sur moi. Il est emprisonné. Il m'a dit qu'il ne va pas y passer 2 heures. Il dit qu'il a tué de nombreuses personnes, mais qu'il est là, libre. 2 minutes, il a été relâché. S'il vous plaît, une telle personne qui a osé sur moi, chef de cellule durant 10 ans, après 2 minutes, relâché, est-ce que cela m'a plu? Merci. De son côté, le commissaire de la police déplore la protection des criminels par des personnes tierces qui interviennent à leur faveur. L'élément n'est pas encore prêt. Nous allons y revenir. Quant au maire de la ville de Bujumbura, des mesures doivent être prises pour restaurer la paix et la sécurité qui jadis ont caractérisé la zone Kamenge. On l'écoute. Donc nous avons décidé avec le comité mixte de redynamiser pour pouvoir trouver une solution durable à cette insécurité. Également, nous avons pris une décision d'interdire les motos. À partir de 18h, aucune moto ne sera autorisée à circuler. Et nous avons aussi trouvé qu'il y a les boissons prohibées qui font que les gens ne vont plus au travail et qu'après ils sont inconscients et souvent commettent des forfaits. On a pointé du doigt l'endroit connu sous Ouabouabasigaye comme un lieu de refuge des criminels ici à Kamenge. On signale que cet endroit est devenu comme un pays indépendant dans un autre pays. Qu'est-ce que vous allez faire précisément par rapport à cette question? Nous avons été surpris par cette affirmation qui a été dite par le chef de quartier. Je pense très bien que il n'y a pas une île qui peut être indépendante dans une ville. Donc nous pensons que les lois doivent être appliquées strictement pour toute la population. Ces bistrots qui vendent les bières toute la journée, ils doivent respecter les heures d'ouverture, sinon ils seront fermés et taxés d'amende. Freddy Mbonimpa, il est maire de la ville de Bujumbura, toujours sur la page sécurité. Deux personnes ont été sérieusement battues sur la colline Kayange de la commune Rugazi. Nous sommes en province Bubanza. C'était hier jeudi. Ceux qui les ont battus, les accusés d'avoir volé des régimes de bananes. Nizibariza Dieudonné et Enzo Habonimana Juma portaient des régimes de bananes d'une commerçante qui leur avait confié pour les transporter au marché de Rubirizi. À mi-chemin, ils ont été interceptés par des gens qui les ont accusés d'avoir volé ces régimes de bananes, puis ils les ont ligotés et tabassés avant de les laisser dans un état critique. Les victimes sont sur le lit de l'hôpital. Trois parmi leurs agresseurs ont été arrêtés, selon des informations en provenance de Bubanza. Le Conseil national, nous entamons la page politique. Le Conseil national de la jeunesse du Burundi demande à la facilitation d'être impliqué dans le mécanisme de suivi du dialogue qui se déroule à Arusha. Dans ses propositions, le Conseil considère que la jeunesse devrait être mise en avant dans la reconstruction du pays comme elle l'a été dans sa destruction. Le forum plaide en outre pour le respect des libertés publiques. Suivez Eraste Nzosaba, il est représentant du Conseil national de la jeunesse. On a insisté sur les questions politiques. Là, c'était la première question par ailleurs qui parle de la liberté de réunion, liberté d'expression et d'autres points, d'autres sous-points de liberté. Nous avons donné comme réponse que tout ce qu'on dit liberté, liberté se trouve dans la Constitution, se trouve dans les textes que le Burundi a ratifiés. Donc la réponse, c'est de mettre en application la loi. Parce que si on continue à passer outre la loi, on n'arrivera nulle part. Nous avons parlé de questions concernant les réfugiés. On a insisté. Nous insistons à ce que les réfugiés qui sont à l'étranger soient rapatriés. Parce que nous perdons la contribution de la jeunesse qui est à l'étranger. Nous avons évoqué aussi la question concernant le mécanisme de suivi de ce processus. Nous avons donné comme réponse que ce sont les jeunes qui sont victimes. Ce sont aussi les femmes qui ont moins de 35 ans. Nous avons insister à ce que son mécanisme soit présidé par un jeune, soit présidé au deuxième degré par une femme, parce que ce sont les jeunes, ce sont les femmes qui sont vulnérables, alors que nous sommes l'outil pour la contribution, pour la construction de notre pays. Eraste Nzosaba, il est représentant du Conseil national de la jeunesse. Toujours sur la page politique, les femmes réparties au sein de la coalition Amizeruya Barundi souhaitent la mise en place d'un organe de régulation des partis politiques en dehors du ministère de l'Intérieur. Cela est contenu dans les propositions adressées aux émissaires du facilitateur Benjamin Mukapa ce jeudi, y compris la libération de tous les prisonniers politiques. Ces femmes insistent préalablement sur l'arrêt immédiat de la violence sous toutes ses formes. Suivez plutôt Liberate Gahurura, l'une des femmes de la coalition Amizeruya Barundi. Nous avons demandé tout d'abord qu'il y ait l'arrêt immédiat des violences, des assassinats et des montages de toutes formes. Nous avons demandé la libération inconditionnelle des prisonniers politiques. Nous avons demandé le respect strict de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Nous avons demandé la réhabilitation des partis politiques et la reconnaissance de leurs vrais leaders. Les acteurs politiques indépendants doivent jouir des mêmes droits civils et politiques au même titre que les autres membres des partis politiques. Nous avons demandé qu'on dessaisisse le ministère de l'Intérieur de la gestion des partis politiques, car étant au service du gouvernement et généralement dominé par le parti au pouvoir, il ne peut pas être partial. Dans ce cas, chercher un autre mécanisme de régulation des partis politiques. Nous avons demandé de conclure rapidement le dialogue pour mettre en place les institutions de consensus. Nous avons demandé d'impliquer fortement les Nations Unies, l'Union africaine, la communauté est-africaine dans la préparation des élections 2020 par la mise en place d'un mécanisme technique qui barrerait la route au trucage des élections qu'on a toujours observé. En dernier lieu, nous avons demandé d'impliquer les femmes de la coalition Amizero Barundi dans le prochain dialogue qui sera organisé à Arusha dans le processus du retour à la paix et la sécurité au Burundi. Liberate Gahurura, c'est l'une des femmes de la coalition Amizero y'Abarundi. Retour un peu sur la page sécurité. Certains membres des comités mixtes de sécurité en zone Kamenge sont pointés du doigt d'être à l'origine de l'insécurité grandissante dans cette zone. C'est une affirmation des administratifs à la base, aussi bien des corps de sécurité. Le commissaire de la police déplore la protection des criminels par des personnes tierces qui interviennent à leur faveur. L'intervention de M. Amos est excellente. Pour sauver ce pays, il faut renoncer à la complicité. Si quelqu'un est arrêté, vous recevez des appels téléphoniques qui vous demandent de libérer le suspect. Je pense que si nous parvenons à renoncer à cela, la sécurité peut revenir dans ce pays. Quand nous arrêtons un mafeteur, nous le mettons à la disposition des OPJ. Aussitôt fait, des appels se succèdent. Le favoritisme est un handicap dans ce pays. Mais j'ai beaucoup d'exemples. Les appels de ce genre sont multiples. S'il vous plaît, ces gens que nous considérons comme les nôtres, ce sont eux qui commettent des forfaits. C'est déplorable de constater que certains de ceux qui ont lancé des grenades à Kamenge sont des connaissances. Ils sont toujours là, ils se disent chargés de la sécurité, mais je ne peux pas tout dire ici, nous enquêtons toujours. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les infrastructures du barrage de Kajeke seront démolies pour recommencer la construction à zéro ou encore elles seront réhabilitées, tout dépendra des résultats des études qui vont bientôt débuter selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de Ogui de Lurema qui s'est rendu sur les lieux hier jeudi en compagnie d'une équipe technique qui va faire ses études. La construction de ce barrage de Kajeke avait coûté 13 milliards de francs burundais, selon toujours le ministre de Ogui de Lurema. Les précisions de Spes Caritas Kabanyana. Ce barrage hydro-agricole construit à Kagirigiri en commune Bubanza et qui pourrait irriguer plus de 3000 hectares de la plaine de Gihanga s'est écroulé avant même que sa construction ne s'achève. Ce jeudi, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, en compagnie d'une équipe faite d'experts nationaux et internationaux, a effectué une descente à cet endroit pour voir si on peut réhabiliter l'infrastructure et continuer la construction ou encore s'il faut tout démolir et recommencer la construction à zéro. L'équipe a constaté que tout a été détruit et que la construction de l'infrastructure a été caractérisée par des malfaçons et des malversations, comme l'a indiqué Deogi de Lurema, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. L'état de l'infrastructure, c'est déjà connu. Il y a des malfaçons, il y a des malversations qui se sont observées. La preuve est que certains matériaux comme les bises qui devraient constituer la conduite principale de l'eau sont déjà en état déplorable. Vous avez vu aussi certaines infrastructures qui sont déjà tombées. Même là où nous sommes ici, au niveau des canaux d'irrigation, vous voyez que la situation n'est pas du tout appréciable. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a également signifié que l'équipe technique va faire l'étude et que le rapport sera donné avant la fin de cette année. Les habitants de Gihanga pourront donc irriguer leurs champs à partir de ce barrage dès la fin de l'année prochaine. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana. L'intérêt particulier que les Burundais peuvent tirer du bassin du lac Victoria C'est la pêche et l'agriculture qui se pratiquent afin d'augmenter la qualité de vie des citoyens et de développer le pays. Cela a été dit par le secrétaire permanent au ministère à la présidence chargé de l'intégration du Burundi dans la communauté est-africaine ce vendredi lors d'un café de presse. Jean Ligui a en outre ajouté que plus de la moitié du territoire burundais fait partie du bassin du lac Victoria. On écoute le reportage signé Christella Nizigaba. Le lac Victoria est le plus grand lac d'eau douce en Afrique. Au moment où le Burundi se trouve à quelques milliers de kilomètres de ce lac, plus de la moitié du territoire burundais fait partie du bassin du lac Victoria avec 13 060 km². Jean Ligui, secrétaire permanent au ministère chargé de l'intégration du Burundi dans la communauté est-africaine, nous dit l'intérêt particulier qu'un Burundais peut tirer du bassin du lac Victoria. L'intérêt particulier que le Burundais peut tirer des programmes du cadre de la commission du bassin du lac Victoria est donc évident. La commission du lac Victoria a développé un important programme d'aquaculture. Maintenant, les gens mangent facilement à Muyinga, le poisson du bassin du lac Victoria. Ça n'étonnerait personne parce que nous avons affaire à un bassin intégré qui, effectivement, dont les ressources et les opportunités doivent profiter à tout le monde. Même s'il y a beaucoup d'opportunités, les défis ne manque pas, nous dit Jean Ligui. Mais en termes de défis, nous pouvons dire que le bassin du lac Victoria fait face à une pression d'une population galopante. Au niveau des ressources pour le poisson, il y a l'invasion de l'hyacinthe d'eau douce, il y a la pollution, il y a aussi la dégradation de l'environnement, il y a les aléas climatiques, mais également les questions de santé vis-à-vis de la population et de la dégradation de l'environnement. Ce café de presse a été organisé par le ministère chargé de l'intégration du Burundi dans la communauté est-africaine en collaboration avec le ministère de l'Environnement dans le but de la restitution d'une conférence qui s'est tenue à Mwanza en Tanzanie en février 2017 sur la gestion de l'environnement et de l'aménagement du bassin du lac Victoria phase 2, un projet qui va prendre fin en décembre 2017. Merci à Christella Nizigama. La promotion des activités commerciales entre le Burundi et la Turquie, c'est le contenu d'un accord signé en date du 27 avril entre le Conseil d'affaires du Burundi et la Turquie. Selon Audace Ndayizeye, président de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie au Burundi, tout opérateur économique trouvera son compte dans cet accord. S'exprimer ce vendredi lors d'un prêt de presse. Suivez. Nous avons un problème structurel de devises. C'est dû à la balance de paiement qui est négative. Nous devons exporter davantage pour pouvoir générer des devises. Alors, l'accent sera mis sur les secteurs générateurs de devises, les produits destinés à l'exportation. Je vois par exemple les mines, le thé, le café, mais aussi d'autres produits agricoles. Mais pour cela, bien sûr, il faut pouvoir augmenter la productivité en matière agricole pour pouvoir avoir ce qu'il faut exporter. Il faut avoir un surplus d'abord et puis exporter. Il y a bien sûr un élément important qui contribue à la productivité, c'est l'énergie. Il y a un déficit énergétique assez important, mais cela s'explique que depuis 1989, il n'y a pas eu d'investissement important dans le secteur de l'énergie. Et voilà, c'était le président de la CFCIB qui s'exprimait sur la carence des devises au Burundi. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mais avant de vous quitter, le rappel de certains titre. Une personne a été tuée et une autre blessée dans une attaque d'hier soir à Kamenge. Les membres des comités mixtes de sécurité en zone Kamenge sont dénoncés par les administratifs à la base et la police d'être des auteurs de l'insécurité dans cette zone. Vous avez entendu dans ce journal la chef de la cellule 1 à Mirango et le barrage de Kajeki qui a coûté 13 milliards de francs burundais pour sa construction sera démoli pour recommencer la construction à zéro ou réhabiliter parce qu'il a été mal construit. Le ministre de l'Agriculture nous a donné des précisions dans ce journal et des groupes formés par les émissaires de la médiation ont continué à remettre des réponses aux questions qui leur avaient été posées. Dans ce journal, vous avez écouté des doléances des jeunes et des femmes de la coalition Amizero Yabarundi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Joseph Sabiyabandi.